Aucun après ? Que veut dire ceci ? Quel est donc ce tapage ? Goudiel, ce matin, a vu sortir le page et l'a suivi. Le page allait chez Gouritan. Je ne vois pas Ruy Blas. Et ce page, Satan, c'est quelque contre-mine, oui. Quelque avis fidèle dont il aura chargé Don Gouritan pour elle. On ne peut rien savoir des muets. C'est cela. Je n'avais pas prévu ce Don Gouritan-là.